Gracienne par Paul Marguerite. Chapitre 1er. Mon cher enfant, disait le marquis de Croix-Luc à son second fils Raymond, sachez que s'il ne tenait qu'à moi, votre mariage se ferait demain. Je reconnais à Mademoiselle de Saint-Ange les plus hautes, les plus gracieuses qualités. Vous seriez heureux, j'en suis sûr. Et si j'étais à la place de ses parents, je vous accepterais les yeux fermés. Mais je ne puis les blâmer de garder à votre égard une méfiance que justifie ou qu'excuse votre conduite passée. Vous avez dilapidé votre patrimoine et au-delà. J'ai payé 3 fois vos dettes et, croyez-le bien, il n'entre dans ma pensée aucun reproche en ce moment. Je vous fais simplement juge de la situation. Ma fortune personnelle, très diminuée, et la dot que je suis forcé de donner à votre sœur Gracienne m'interdisent tout sacrifice en votre faveur. Les 200 000 francs d'apport que les Saint-Anges vous demandent pour balancer, même incomplètement, la dot de leur fille, ces 200 000 francs, mon cher Raymond, ni vous ni moi ne les avons. Vous, parce que vous avez dépensé pour vos péchés de jeunesse bien au-delà de cette somme, moi, parce que je suis tenu par ma conscience à les réserver sur les débris de ma fortune pour le mariage de Gracienne, afin qu'elle ne soit pas moins bien partagée que ses 2 aînés, aujourd'hui en puissance de mari. Votre frère Georges a de grandes charges de famille et ne peut vous aider. Vous n'avez pas d'oncle ni de parents âgés dont l'héritage puisse être compté parmi ce que les notaires appellent des espérances. Hors de notre vieux château de Niré en Auvergne, où votre mère et moi nous retirerons un jour, nous ne possédons point de terre que nous puissions hypothéquer. Les Croix-Luc, grâce à Dieu, n'ont jamais fait commerce ni tripoté à la bourse. Votre seule fortune, c'est votre grade de chef d'escadron aux chasseurs d'Afrique, de quoi payer votre brosseur. Vos titres, c'est votre nom, sans tache, votre mérite et 3 blessures. Autant dire que vous servez pour l'honneur et que vous ne possédez que votre épée. Renoncez donc, mon fils, à ce mariage impossible. Ma douleur, soyez-en sûr, égale la vôtre, car vous avez toujours été mon préféré et votre bonheur m'eût comblé de joie. Votre mère partage mes regrets. À notre âge, ils sont plus amers que les vôtres, car le sentiment de notre impuissance s'accroît du remords de notre faiblesse. Si nous vous avions moins tendrement aimé, nous ne vous aurions pas laissé jeter ainsi au vent votre patrimoine en folie de jeune homme, et vous seriez plus riche aujourd'hui. » L'homme qui s'accusait ainsi avec cette noble dignité était un vieillard voûté, usé, cloué dans son fauteuil par l'ataxie, mais qui conservait toute sa vie d'âme et d'intelligence réfugiée dans l'expression mobile du visage et de très beaux yeux fanés. En face de lui, regardant fixement le tapis, Raymond de Croix-Luc, grand, souple, tanné par les étapes, une balafre en travers du front, la rosette du sang à la boutonnière, gardait un silence d'atterrement. Il adorait Luce de Saint-Ange, d'un amour de pureté, de vénération et d'infini. Comme seuls savent aimer ceux qui ont appris à jouir de la vie et à la mépriser. Pour l'ancien viveur, cet amour était la révélation. Le chemin de Damas, l'éblouissante lumière de grâce. Et il fallait renoncer au bonheur entrevu. Il fut brave, et relevant des yeux d'un vert glauque, intrépide et un peu fou, « C'est bien, mon père. Il est juste que j'expie mes fautes d'autrefois. Je rejoindrai demain mon régiment. » Comme il sortait, après avoir baisé la main du marquis, une grande jeune fille lui barra le passage. Elle était très belle, avec de lourds cheveux blonds relevés sur un haut front de neige, qui annonçait la rêverie et l'enthousiasme. C'était Gracienne, la meilleure amie de Raymond. Étant toute pureté, elle avait voué un culte chevaleresque à ce grand frère si brave, toujours lointain, aux périls et aux fatigues duquel elle rêvait chaque jour. Elle souhaitait d'autant plus ardemment qu'il épousât Luce de Saint-Ange que cette jeune fille était sa meilleure amie. Elle s'était liée au couvent, et c'est par les confidences de Gracienne que Luce, avant de le connaître, s'était prise d'intérêt, de curiosité, puis de tendresse pour l'officier. Gracienne voulait passionnément ce mariage. Ne l'avait-elle pas préparé en quelque sorte ? « Eh bien, demanda-t-elle. Je pars demain, répondit Raymond. Elle lui jeta les bras aux épaules, le contemplant bien en face. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ? Ah, Gracienne !» Eh bien, ne pars pas encore. Laisse faire le temps. Ne perds pas tout espoir. Que veux-tu dire ? Rien. Je vais aller voir Luce, l'encourager, la consoler. Tendre et frêle comme elle est, le refus de ses parents, l'émotion doivent la briser. Pauvre Luce, sacrifiée à une question d'argent. Oui, vit Raymond avec rage, d'argent. Quelle misère, ne pouvoir trouver cette somme. Courage, Raymond. Et Gracienne, vivement, s'échappa, gracieuse, dans l'élan de fuite d'une Diane alerte. Où est Luce ? Demandait-elle une heure après à la femme de chambre de Madame de Saint-Ange. Madame est sortie. Elle a bien recommandé que personne... Mademoiselle est si souffrante. Je veux la voir. Et l'ascendant de sa voix, de son air, dominait toute résistance. On la laissait entrer dans la petite chambre où, derrière les rideaux tirés, faisait une ombre de détresse, prostrée sur son lit étroit, une petite forme vierge sanglotait à perdre haleine. Chérie, ma chérie. Et Gracienne était dans les bras de Luce, qui, comme une colombe à l'agonie, se blottissait contre le sein de sa grande amie avec des sanglots et des plaintes. Oh, Gracienne, ne plus le voir. Une scène affreuse, mon père, ma mère, mon Dieu, pour de l'argent, de l'argent. Ah, que c'est méprisable. Que doit-il penser de moi? Que va-t-il faire? M'aime-t-il encore seulement? Oui, chérie, il t'aime. Il m'a dit de te jurer qu'il n'aimera jamais que toi. Tout espoir est-il perdu? Ne peux-tu fléchir tes parents? Tu me connais et tu le demandes. Non, ils ne céderont jamais. Que devenir? Attendre. Attendre quoi? Ta majorité. Oh, Gracienne, crois-tu que je me marierai jamais contre le gré de mon père et de ma mère? Et d'ici là, mais je mourrai. Alors, de nouveau remué aux entrailles, Gracienne de Croix-Luc, comme elle l'a fait pour son frère, pose ses deux mains sur les épaules de Luce et, pesant sur la frêle enfant, lui imposant l'énergie de son regard fier qui la scrute et la fouille au fin fond du cœur, d'une voix grave, solennelle, lui demande « Tu l'aimes bien ?» Et Luce, comme l'autre, bouleversée à l'idée d'un doute « Ah, Gracienne !» Et Mademoiselle de Croix-Luc lui dit, comme à l'autre, d'une voix ferme, où palpite on ne sait quel pressentiment de mystère. « Regarde-moi bien et espère. Tu épouseras Raymond, c'est moi qui te le dis. »« Mais comment ?»« C'est mon secret. » « Mon père, » dit Gracienne le lendemain matin en s'agenouillant devant le vieux marquis, « je viens vous demander une grâce. J'ai beaucoup pensé à mon avenir. Le monde n'a rien qui me tente. La grâce m'a touché et je veux faire mon salut en Jésus-Christ. » Je m'adresse à vous comme à mon maître et à mon meilleur conseil. Vous déciderez, ma mère, à consentir à ce que je me retire en un couvent, où je prierai tous les jours Dieu pour vous. « Mon enfant, » murmura M. de Croix-Luc en s'efforçant de la relever, « que dis-tu ? Je ne puis croire que tu veuilles nous quitter. Tu es notre Benjamine. Qui, sinon toi, aurait soin de notre vieillesse ? Tes sœurs, que Dieu me garde de juger, aiment leur mari plus que nous. » Et vivent dans le monde, emportés par le plaisir. Mais toi, quel cœur sérieux, jamais tu ne nous aurais oubliés. Un jour, bientôt, peut-être, nous pensions qu'un beau jeune homme t'aimerait et que nous connaîtrions la douceur de faire sauter tes enfants sur nos genoux. Mon père, dit-elle avec un lumineux sourire et une clarté d'aube sur son grand front pâle, tandis que ses yeux rayonnaient d'une splendeur d'amour et de sacrifice, vous ferez sauter sur vos genoux les enfants de Raymond, car Jésus-Christ, mon divin époux, me prendra pauvre et sans dot. Ah ! Gémit M. de Croix-Luc, frappé au cœur. Tu te dévoues pour lui, mais lui-même refusera. Penses-tu que nous puissions accepter ? Si, père, dit-elle doucement, vous accepterez, et lui aussi. D'ailleurs, ma résolution est irrévocable. Mais ne croyez pas que je me sacrifie, non ? Fit-elle en rougissant jusqu'aux cheveux de son héroïque mensonge. « Non, je n'aurai pas ce courage. Je vous le dis, rien ne met sur la terre que le désir de vous voir heureux et le souci de mon salut. Aussi bien, je ne vous demande pas un consentement immédiat, ni d'amener sur le champ ma mère à mes vues. Il faut la préparer, ainsi que Raymond. je ne veux pas qu'il puisse croire à un dévouement qui n'existe pas et me prête un mérite que je n'ai point. Je vous supplie donc de me garder le silence et de rester mon complice jusqu'au jour où, ayant pris le voile, j'aurai commencé ma renonciation au monde. Ce jour-là, Raymond pourra épouser Luce, sans scrupule. » Le vieillard ne répondit pas, il pleurait, en tenant sa fille embrassée, et ses larmes étaient très amères. Mais une douceur s'y mêlait, et une fierté de race. L'orgueil de ce quelque chose de grand, qui battait dans l'âme de Gratienne et qui le pénétrait à son tour. Monsieur le marquis et madame la marquise de Croix-Luc ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fils, monsieur Raymond de Croix-Luc, lieutenant-colonel au 7e régiment de chasseurs d'Afrique, officier de la Légion d'honneur, avec mademoiselle Luce de Saint-Ange. Sœur Basilis des Carmélites vit encore. Ainsi s'achève Gratienne de Paul Marguerite.